partout où je vais, je blesse quelqu'un. Mais tout ce que je peux faire ou dire n'y changera rien. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je donnerai tout ce que j'ai, mais j'ignore comment trouver le bon chemin. Mon frère ours, je t'ai déçu. T'as cru en moi, compté sur moi, et je t'ai déçu. De toutes les choses que j'ai cachées, je ne peux cacher ma honte. Et je prie qu'un jour